السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on continue le cours qu'on a débuté hier, qui est tiré du recueil des épîtres du grand savant, le Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Comme je vous l'ai précisé hier, c'est un recueil qui s'intitule Majmou'atul Rasail al-Jabiriyya fi Masail ilmiyya wifq al-kitabi wa sunnati an-nabawiyya. Donc c'est le recueil des épîtres du Cheikh al-Jabiri dans différents sujets scientifiques en conformité avec le livre et la sunna prophétique. Et cet épître, c'est la numéro 8 du deuxième volume. Donc on s'est arrêté à ce passage dans lequel le Cheikh Hafidhahullah nous dit « At-tariqu ar-rabi'a » le quatrième point, le quatrième cheminement pour atteindre la concrétisation des objectifs et des sagesses du mariage. طريق القوامة والرئاسة. C'est un point important dans un couple. Qui est le chef de famille? Qui domine dans cette famille qui vient d'être fondée? فيجب على المرأة أن ترى الرجل، وهذا حكم الله، أن ترى أنه القيم على البيت كله، عليها وعلى أولادها وبناتها. Il faut bien que la femme comprenne et reconnaisse que l'homme, et ça c'est la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le jugement d'Allah azza wa jal, que l'homme il est bien le responsable et le chef du foyer, elle dedans ainsi que tous les enfants, garçons ou filles. وأن المسؤولية الأولى عليه، et que cette responsabilité en premier lieu elle lui incombe à lui, c'est lui qui aura des comptes à rendre sur cette responsabilité. ويجب عليه هو أن يستشعر عظم هذه المسؤولية. Et il faut pour cet homme de son côté, pour ce mari, pour ce père, qu'il ait ce ressenti de la grandeur et de là aussi de la difficulté que comporte cette responsabilité. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. وَأَنْ يَبْنِيَ قِوَامَتَهُ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ وَحُسْنِ الرِّعَايَةِ وَحُسْنِ التَّرْبِيَةِ وَحُسْنِ التَّوْجِيهِ بِمَا تَكُونُ بِهِ النَّشْأَةُ الصَّالِحَةُ لبيته fi dini wa dunya wal akhirah. Il faut qu'il fonde cette responsabilité, ce rôle de chef de famille qu'il a, il faut qu'il soit basé, fondé sur la justice, sur l'équité. Ce n'est pas parce que tu es responsable chef que tu es amené à faire n'importe quoi, à profiter de ce poste, de ce statut qu'il t'a été donné, alors qu'en réalité, c'est une charge. Et toi, tu en profites quand bon te semble, à tout va. Et ceci, souvent, est dû à une mauvaise compréhension. Il y a un manque de connaissances là-dessus. Être responsable ne veut pas dire être oppresseur, ne veut pas dire être injuste, ne veut pas dire être tyran ou montrer une quelconque dictature. Non, je suis responsable. La réponse me revient, la réponse à prendre sur des sujets, mais ceci ne m'empêche pas d'être droit, de faire preuve de piété envers Allah Azza wa Jal, de craindre Allah Azza wa Jal et d'être bon, juste et équitable envers ceux qui sont à ma charge. Et donc, il se doit de bien fonder cette mission basée sur la justice, sur l'équité, sur la bonne gérance, la bonne éducation, les bonnes recommandations, directives données pour que soit fondé, se construit un foyer qui est dans la vertu, la piété. Donc, que ce soit qu'il y ait un bon foyer, que ce soit dans le domaine religieux, mondain et pour l'au-delà. ويجب عليه أن يعد المرأة عونا له أن يعد المرأة أن يعد المرأة عونا له. Et il faut qu'il considère l'épouse, cette femme qui est à ses côtés, qu'elle est une aide pour lui. Elle est une aide pour lui. فالتوجيه العام والتربية العامة والأمر والنهي العام للرجل وهي معاونة ومساعدة له. Donc, la grande recommandation, les grandes directives de cette mission lui incombent. C'est lui le chef de famille. Ainsi que les ordres, les interdictions généraux incombent à l'homme. Et la femme, l'épouse, elle est là pour l'aider dans cette mission. Et elle est comme son assistante dans cette mission. Elle assiste son mari. وعبارة لعلها أخسر. Et pour résumer cela en quelques mots, الرجل في التكاليف والكسب عليه ما كان خارج البيت يهيئه ويوفره بالحلال وهي عليها داخل البيت. Voilà, pour résumer, l'homme se doit de s'occuper de tout ce qu'il doit ramener de l'extérieur de la maison. Hein? Donc le travail et tout ce qui a à faire à l'extérieur, à la base, ça incombe à l'homme. Et il ne le cherche, il ne recherche que ce qui est licite. C'est-à-dire le moyen de gagner son argent, le moyen d'aller chercher une provision, il ne le fait que dans le licite, dans ce qui est permis. Il ne ramène rien d'interdit dans la demeure. Ça, ceci nous rappelle cette femme à l'époque des pieux prédécesseurs qui, lorsque son mari quitte la maison, le foyer, pour aller chercher la subsistance, et elle lui dit devant la porte, « Oh, un tel, ne reviens à la maison qu'avec une chose qui est permise, autorisée, qui est halal. » Car sur la faim, le fait d'avoir faim, la faim, on peut patienter. Mais le feu de l'enfer, on ne peut pas patienter. Si tu reviens bredouille, avec rien, ce n'est pas ta faute. Tu as fait les causes. Tu es parti, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu as fait les causes. Et tu n'as pas eu. C'est Allah qui donne. subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui prive. Mais que tu as été chercher des choses interdites pour venir nourrir ta famille avec, et qu'on se nourrit de choses interdites, ça c'est grave. C'est pas comme aujourd'hui, beaucoup de gens, ils inventent même des phrases, l'argent n'a pas d'odeur. Et bien sûr qu'elle a une odeur, l'argent. Mais c'est pas l'odeur que les gens attendent. Bien sûr que l'argent gagné à la sueur du front, honnêtement, ne vaut pas l'argent qui a été volé. L'argent qui est le fruit d'un braquage, ce n'est pas pareil, subhanallah. L'argent halal n'est pas comme l'argent qui est haram, ou l'argent qui vient de l'usure, ou d'un commerce qui est interdit. Ce n'est pas pareil. Mais on vit des époques difficiles. Certains, ils s'en fichent de savoir ce qui rentre dans leur poche. Tant qu'ils ont de l'argent, ils se fichent de savoir est-ce qu'il est autorisé ou est-ce qu'il est interdit. C'est grave. Il faut faire attention. Et ça, c'est une des grandes causes pour que les do'as ne soient pas acceptés. Et qu'Allah n'exauce pas les do'as. C'est que la personne se nourrit de choses interdites. Elle s'habille avec des vêtements interdits ou acquis dans l'interdit. Il boit des boissons qui sont interdites ou acquises d'une manière interdite. Et vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'homme qui fait un long voyage, tout poussiéreux, dans une situation qui est une situation de quelqu'un qui montre qu'il est vraiment pauvre et dans le besoin de son Seigneur. Et ça, c'est une situation dans laquelle la dua, elle est exaucée. Et en plus de cela, il est voyageur. Et le voyageur, ses duas sont exaucées. Et il lève les mains. Et Allah n'aime pas laisser les mains de sa créature, de son adorateur, baisser sans qu'il ne lui ait rien donné. Baisser sans qu'il n'y ait rien dedans. Allah aime qu'on le supplie, aime qu'on lui demande, et Allah donne à son serviteur. Mais celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi ? Nous dit, mais cette personne a mangé de l'interdit, il a bu de l'interdit, il s'est vêtu d'interdit, comment on pourrait exaucer à celui-là ? C'est-à-dire on n'exauce pas à cette personne, subhanallah. Et lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anh, un honorable compagnon parmi les 10 promis au paradis, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah pour que mes do'as soient exaucés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais en sorte que ta nourriture, elle soit licite, tes do'as seront exaucés. Et la femme, donc, lui, il ramène tout ce qu'il faut pour la demeure, pour le foyer. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est son rôle à lui, d'aller l'acquérir, de le ramener. Que ce soit du mobilier, de la nourriture, tout ce qu'il faut pour la maison, ça, c'est son rôle à lui. Et elle s'occupe de l'intérieur de son foyer, de l'intérieur de la demeure. Elle s'occupe de l'intérieur et lui, il s'occupe de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Que dire lorsqu'on voit des gens inverser les rôles ? Même des fois des gens dans la religion, subhanallah, par fainéantise ou je ne sais quoi. Il laisse sa femme aller dehors travailler et lui il est allongé. Et il trouve n'importe quelle excuse pour ne pas sortir, pour ne pas aller travailler. Il va en trouver des excuses. Hein. À force d'en chercher, il va en trouver. Subhanallah. Et il va faire croire qu'il est dans un cas de nécessité. Alors qu'en réalité, c'est que de la fainéantise. Après, ça vient pleurer pourquoi il y a des problèmes. Ils inversent les rôles. Wal'iyadhu billah. Il oue ton rôle de mari, de père de famille, de responsable du foyer. Subhanallah. Combien de femmes se plaignent ? Elles disent, je suis dans l'obligation de travailler. Mon mari ne travaille pas. Il fait croire qu'il cherche du travail, il n'en cherche pas. Il perd son temps. Et ainsi de suite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En plus de cela, la femme, même, elle est millionnaire. Elle a de l'argent. Alhamdoulilah, elle est issue d'une famille riche. Elle a ce qu'il faut. Elle a eu un héritage. Alhamdoulilah, elle est dans un commerce licite et elle a bien gagné sa vie. Ça ne lui incombe pas de subvenir au foyer. Ce n'est pas son rôle. Ah, c'est bien beau d'entendre l'homme dire « c'est moi le responsable de la famille ». Ben alors prends ton rôle au sérieux. Subhanallah. Ce n'est pas qu'une parole. Si elle, elle veut aider, elle peut aider. Mais c'est un khair qu'elle fait, c'est un bien qu'elle fait. Elle n'est pas obligée. Et lui n'a pas à dire, oui, mais elle a de l'argent. Elle veut. C'est pas son rôle. C'est ton rôle à toi d'aller travailler chercher. Subhanallah. Et c'est pour cela qu'une femme qui a les moyens et qui doit sortir la zakat, et son mari est pauvre, et il est dans les ayants droit à la zakat, elle a le droit de lui donner la zakat. Parce qu'il n'est pas à sa charge. C'est elle qui est à la charge de son mari. Mais lui ne peut pas lui donner la zakat. Parce qu'elle est à sa charge. C'est lui qui doit lui subvenir. Subhanallah. Et la femme qui a demandé au prophète, sallam, je dois sortir la zakat, est-ce que je peux la donner à mon mari? Et là, en l'occurrence, c'était Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il n'avait pas les moyens. Et le prophète a dit oui. En plus de cela, tu donnes à quelqu'un de proche. C'est encore plus prioritaire. Donc, le cheikh, là, nous résume ce point-là. فَإِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ حَقِّ التَّعَاوُنِ مَعَ الرَّجُلِ فِي مَا يُصْلِحِ الْبَيْتِ ويقيمه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى من أمور الدين والدنيا فلتستبشر خيرا. Et lorsque la femme, elle s'acquitte de son devoir dans l'entraide avec son mari, dans ce qui va réformer son foyer et qui va fonder cette maison dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, que ça concerne des points de la religion ou mondain, alors la bonne annonce est faite à cette femme, qu'elle se réjouit de la bonne annonce qui l'attend. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الحديث رواه أحمد والبزار وابن حبان والطبراني وهو في صحيح الجامع. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, si la femme s'est acquittée de ses cinq prières quotidiennes, elle a jeûné son mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan, elle a obéi à son mari, elle a préservé sa chasteté, il lui sera dit, entre par n'importe quelle porte du paradis que tu veux. C'est elle qui choisit la porte par laquelle elle veut rentrer. Les portes du paradis sont ouvertes devant elle et elle choisit l'entrée qu'elle veut. هذه بعض الأمور التي تحقق ما تضمنته الآية من امتنان الله سبحانه وتعالى في المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. Ça c'est certains points parmi lesquels se concrétise le contenu du verset qui nous parle des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour, l'affection et la bonté qu'il y a entre les deux époux. Et il a mis entre vous, l'homme et la femme, de l'affection et de la bonté et de la miséricorde. Al-mas'alatu thaniya, le deuxième grand point sur ce sujet, fima awda'ahu Allah subhanahu wa ta'ala an-nikah min hikam wa manafi'. Concernant ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans le mariage comme sagesse et intérêt bénéfique. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les jeunes, donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aux jeunes parmi les garçons, les hommes, les jeunes hommes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qui a les moyens financiers pour se marier, alors qu'il se marie. Car ceci va l'aider à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Et celui qui ne le peut, il n'a pas les moyens, il n'a pas la finance qu'il faut pour se marier. Quel est son remède à lui? Que fait-il dans l'attente de pouvoir se marier alors qu'il jeûne? Car pour lui, ce sera une protection, un bouclier face à la tentation. Parce que lorsque la personne elle jeûne, a la faim, a la soif, et ça atténue les envies sexuelles. Donc c'est une protection pour lui. Vous avez vu le remède du prophète sallam? Et avec cela, tu entends des gens dire, mais je ne peux pas me marier, alors je fais quoi? Subhanallah. Le prophète sallam a donné la réponse. Voilà ce qui est demandé. Tu as la capacité, les moyens de te marier? Fais-le. Pour l'instant, tu n'as pas les moyens de te marier? Jeûne. Mais la personne, on ne sait pas si elle est négligente ou pas pour l'histoire du mariage. Et de l'autre côté, il ne veut pas du remède du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va chercher d'autres réponses. Wallahu al-musta'an. Il n'y a que du khayr, que du bien, de la bénédiction et de l'élévation lorsqu'on applique les remèdes qui nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الحديث تضمن أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. Ce hadith, ô vous musulmans et musulmanes, comporte deux points parmi les points, les ordres donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-amr al-awwal, premier, haddu al-qadirin min al-shabab ala al-zawaj. Donc le premier point, c'est l'encouragement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les jeunes à se marier. Wa min huna fa innahu yajibu على هؤلاء النكاح ما داموا قادرين ويخشون على أنفسهم العنت. Et de là, il devient une obligation, un devoir pour ces personnes-là de se marier tant qu'ils en ont les moyens et la capacité et qu'ils ont peur de tomber dans le péché. Ils ont peur de glisser, de dévier. Donc tu as les moyens et tu as une crainte de tomber dans l'interdit, pour toi, c'est une obligation de se marier. Wa dhakara al-illata fi dhalik. Et le prophète sallam nous cite la raison pour laquelle le mariage est demandé à ce moment-là. Puisqu'il nous dit alayhi salatu wassalam, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car en se mariant, tu as ton épouse auprès de laquelle tu prends ton plaisir, chacun prend son plaisir avec l'autre, ça va amener la personne à plus baisser le regard et à protéger, préserver sa chasteté. Et tout vient du regard. Tout commence par les yeux. Subhanallah. Et Allah nous dit dans le Coran, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Et après, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Les croyants et les croyantes, ils se doivent de baisser le regard. Les deux sont concernés. La femme, elle est attirée parce qu'elle voit de beau chez l'homme, et l'homme, il est attiré parce qu'il voit de beau chez la femme. Et en plus, lorsque cette personne, elle t'est interdite de l'approcher, eh bien, tu es encore plus attiré par. Et Shaitan, il l'embellit encore plus à tes yeux. Donc, le baisser le regard. Parce que si tu commences à regarder, il va en découler des choses. Et les parties du corps, chacun, il a sa part de fornication. Et la part de fornication des yeux, c'est le regard. La main, c'est le toucher. Les pieds, c'est les pas qui pour aller à l'endroit. Et ainsi de suite. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il faut faire attention. Et la femme de même. Parce que parfois, des gens peuvent croire que ceci concerne que les hommes. Non, même les femmes. Les femmes, quand elles voient, il y a des choses qui leur plaisent. Et il y a des visages qui leur plaisent. Subhanallah, ça ne concerne pas que les hommes, c'est les deux. Donc le mariage vient à préserver la personne de ses fléaux, de ses péchés. وَهَذَا تَنْبِيهٌ إِلَىٰ إِحْدَى الْحِكَمْ وَالْمَنَافِعْ الَّتِي أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي النِّكَاحِ. Et là-dedans, il y a cette remarque sur une des sagesses et un des intérêts qu'Allah a mis dans le mariage. الْإِعْفَافِ وَالْإِحْصَانِ وَالصِّيَانَةِ. Donc la personne, hein, elle sera préservée, protégée, et elle fera preuve de chasteté. صِيَانَةُ الْفَرْجِ وَالْمُجْتَمَعِ. Donc les sexes sont protégés, ainsi que la société. فَالنِّكَاحِ إِذَنْ وِقَايَةٌ لِلْأُمَّةِ مِنْ اِنْتِشَارِ الرَّذِيلَةِ السُّلُوكِيَّةِ الْعَظِيمَةِ وَهِيَ الْفَاحِشَةِ. Donc le mariage est une protection pour la communauté face à la propagation des mauvaises mœurs, des mauvaises choses qui se propagent comme al-fahisha, la turpitude, et ici il est voulu la fornication, l'adultère. Moins il y a de mariages et plus ces choses-là se propagent. Et le mariage est un des grands moyens d'atténuer. On ne dit pas que ça va mettre un terme total. Alors, faut pas rêver de croire qu'on peut atteindre une société dans laquelle il n'y aura aucun péché. Ça, il faut le savoir, ça n'existe pas. La meilleure des époques, il y avait des péchés qui étaient commis. Mais ce ne sont pas des péchés apparents. Ce ne sont pas des péchés qui prennent le dessus. Non, ce qui apparaît, c'est la piété dans la société. À l'époque du prophète, sallam, des compagnons. Hein. Mais ceci n'empêchera pas que Shaitan il a un rôle. Et de temps à autre, quelqu'un peut glisser, peut commettre un péché. Et il y a dans la loi musulmane des sentences qui concernent les musulmans qui sont amenés à commettre tel ou tel péché. Parce que ça viendra. Mais dans une société droite, et la meilleure situation qu'on peut trouver, il peut y avoir des péchés commis. Donc il ne faut pas croire qu'on est capable d'atteindre une société dans laquelle il n'y aura pas de péché. Ça n'existe pas. Si jamais on ne commettrait pas de péché, Allah mettrait fin à nous. On serait anéanti. Et Allah mettra dans le monde d'autres créatures qui, eux, commettront des péchés et demanderont à Allah le pardon et Allah leur pardonnera. Ça, il faut bien le savoir. Mais on atténue, on diminue, on laisse plus ces choses-là prendre le dessus, apparaître. Parce que là, ça ramène des calamités. Le fait que des péchés comme celui-là, la fornication, l'adultère, la débauche, lorsque ça prend le dessus et les gens en arrivent à le faire ouvertement, sans se cacher, et là, ça, c'est un signe comme quoi les calamités vont tomber. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Et quand la calamité elle arrive, elle prend tout le monde. Les bons et les mauvais. Et après, chacun sera ressuscité selon sa situation. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Et craignez un trouble, une calamité qui ne va pas toucher seulement ceux qui ont été injustes parmi vous. Elle prend. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Et ça ramène des maladies que les gens d'avant ne connaissaient pas. Subhanallah. Des maladies. Les gens découvrent des maladies. Ils sont touchés par des maux que les gens d'avant ne connaissaient pas. Et ça, on le voit et on entend parler. Des nouvelles maladies qui apparaissent. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Tout ça parce que les péchés, ces fléaux, prennent le dessus et sont faits ouvertement. Et sont peu nombreux les véritables conseillers. L'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Lorsque se diminue ou disparaît cette grande règle de l'islam, voilà ce qui arrive. Wallahu al-musta'an. Al-Amr al-Thani, deuxième point dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier, c'était l'encouragement, un appel aux jeunes de se marier. Amara al-ajizina an al-zawaj min al-shabab bis-siyam fa innahu wiqaya lahum. Donc il a donné l'ordre à ceux qui sont dans l'incapacité de se marier parmi les jeunes de jeûner, car ce sera une protection pour eux. Al-hikmatu al-thaniya, deuxième sagesse pour laquelle a été institué, légiféré le mariage. Hiya fi takthir al-mujtama' al-islami. Une des raisons, donc, les sagesses, c'est d'augmenter le nombre de la communauté musulmane, qu'elle soit nombreuse. Wa fi hadha wasaya minhu sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, on a des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles tazawwaju al-wadud al-walud inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Al-hadith akhrajahu Ahmed wa Sa'id ibn Mansour fi as-Sunan wa Ibn Hibban fi as-Sahih wa at-Tabarani fi al-Awsat wa al-Bayhaqi fi as-Sunan al-Kubra wa fi shu'ab al-Iman wa hassana isnadahu al-Albani fi adab az-zifaf. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: épousez la femme affectueuse et féconde qui enfante, car je voudrais pour vous surpasser en nombre les communautés des prophètes le jour de la résurrection. Wa fi riwayatin mukathirun bikum al-umam. Que donc pour surpasser les peuples, les autres peuples. Et avec cette version-là, cette variante-là, ça a été rapporté أخرجها أبو داود والبزار في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء والبيهقي في السنن الصغرى وفي الكبرى والحديث صححه الألباني في آداب الزفاف. قد يقول قائل, quelqu'un pourrait dire, pourrait poser comme question: تعرف الودود بذكرها الحسن. On peut reconnaître la femme qui est affectueuse du fait que les gens qui la connaissent vont nous le dire. Comment elle est son comportement, comment elle est au sein de sa famille, au sein de ses amis, de ses proches. Donc on peut la reconnaître, celle qui est affectueuse. Walakin, كيف تعرف الولود? Comment on reconnaît la femme qui est féconde? Quelqu'un qui veut se marier, comment il peut savoir que cette femme elle est féconde? نقول, nous disons, معرفة ذلك بمعرفة قريباتها من النساء. Ça, c'est une règle générale. On le sait parce que cette fille, elle est issue de telle famille, et ses proches parents, ce sont des femmes qui sont fécondes, qui ont beaucoup d'enfants. هذا معروف عند الناس. Ça, c'est une chose qui est connue chez les gens. C'est-à-dire, dans les pays musulmans, dans les communautés musulmanes, les gens, ils connaissent. Hein? Ils connaissent telle famille. Les filles chez eux, ce sont des filles qui sont fécondes. بيوت نسوتها كثيرات الولادة. Donc des demeures, des foyers où on sait que les femmes issues de ces foyers, de ces familles-là, elles sont fécondes. Elles ont beaucoup de naissances. وبيوت نسوتها قليلات الولادة. Et les gens savent les foyers, les maisons où les femmes, en général, elles n'ont pas beaucoup de naissances. فَأَصْبَحَ مَيْسُورًا وَسَهْلًا. Donc c'est une chose qui est maintenant simple et facile à savoir. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةِ. Et toute la louange revient à Allah Azza wa Jal. طيب. On va s'arrêter là concernant le cours. Puis, le cheikh continue, il y a d'autres points qu'il parle. Puis après, il y a des questions. Des questions-réponses. Et j'ai choisi Inch'Allah, deux questions. Deux questions qu'on va aborder, qui sont posées au Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala. Donc on va voir la question numéro 3. السؤال الثالث هل يجوز أن يقترن سني برافضية؟ Est-ce qu'il est permis à un homme de la sunna de se marier avec une femme rafidhiya? Une rafidhiya. Le cheikh, il est en Arabie. Il habite à Médine. Et il y a des régions en Arabie où il y a des communautés de rawafid. Et à Médine même, il y a des familles connues de Rawafid. Si nous, en général, on arrive là-bas, on ne connaît pas, on ne fait pas de différence, les habitants, ils connaissent. Parce que souvent, les gens dans un endroit, ils s'habillent de la même manière. Mais les habitants, tu te renseignes, ils vous disent non, cette famille-là, c'est une famille de... Ils savent très bien. Al-Jawab, la réponse. Al-Rafidha kaffarahum l'a'imma. Les imams de l'islam, les imams de la sunna, ont décrété que les rawafid, ce sont des mécréants. Wal haqqu anna man kanu ma'a abna'ina dirasatan fi al-ibtida'iyya fal-mutawassita fal-thanawiyya qamat 'alayhim al-hujja. Et là le cheikh parle en arabie. Il dit: et la vérité est que ceux qui ont étudié avec nos enfants, qui ont étudié la période primaire, le collège et le lycée, cela, la preuve leur a été donnée, montrée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'excuses. لأنهم خلال ثنتي عشرة سنة قرأوا القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا التوحيد وما يضاده. Car pendant tout ces périodes-là scolaires, primaire, collège, lycée, ils ont étudié pendant 12 ans. Il y a 12 années scolaires. 12 ans. 12 ans dans lesquels ils ont lu et récité le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont connu le tawhid et aussi le contraire du tawhid. L'opposé du tawhid. Parce qu'en Arabie, dans les écoles publiques, hein, ils ont la matière de la religion et ils étudient des programmes scolaires dans lesquels ils font le livre de Kitab al-Tawhid, Usul Thalatha, ils font le fiqh, ils étudient le Coran, les hadiths. Donc les enfants, pendant leur scolarité, ils l'ont étudié. Donc ils ont bien eu les preuves face à eux. Fa'ana aqul kuffar ayn wala karama. Ceux-là qui sont dans cette situation-là, qui ont étudié toute cette période scolaire, précisément, ce sont des mécréants, ces gens-là. Ils sont restés comme ils sont, ceux-là ils ne veulent pas. Donc ce sont des mécréants et il n'y a aucun problème à le dire. Man kanat hadhi haluhum. Ceux qui sont dans cette situation-là. Wa bihadha yadhhar lakum annahu la yajuz an yatazawwaja sunniyun rafidiyya. Et de là, il apparaît bien clair qu'il n'est pas permis à un sunni de se marier avec une rafidiyya. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى دِينِهِ أَبَدًا. Car elle n'est pas dans sa religion complètement. لَكِنْ إِذَا عُرِفَتْ مَنْ كَانَتْ عَلَى الرَّفْضِ وَأَعْلَنَتْ بَرَاءَتَهَا مِنَ الرَّفْضِ وَلَوْ إِلَى بَعْضِ النَّاسِ وَتَعَهَّدَتْ بِأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى السُنَّةِ وظهر منها ذلك ولو على أيدي بعض الناس فلا مانع من الزواج منها. Mais si c'est une femme qui était à la base connue pour être dans Rawafid, chez les Rawafid, et qui a proclamé son désaveu de Rafid, même si elle l'a pas dit devant tout le monde, mais certaines personnes sont au courant de sa situation, comme quoi elle s'en est désavouée, et qui a pris l'engagement d'être sur la sunna, et ceci est bien apparu d'elle, même si c'est apparu que chez une poignée de gens, alors là, il n'y a pas de problème ni d'interdiction à se marier avec elle. ومن هنا ننصح من ابتليت بالرفض وعرفت أنه باطل وكفر وأرادت التخلص ننصحها أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية. Et de là, nous conseillons à celle, la femme, qui a été éprouvée d'être dans le rafd, et qui a connu qu'est-ce que c'est le rafd, et qui a connu et su que c'était le faux et de la mécréance, et qui veut s'en échapper, s'en éloigner, on lui conseille de recourir aux tribunaux religieux. Donc en Arabie, ils ont les tribunaux religieux. تَلْجَا إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مُمَثَّلًا فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ. Donc, elle va chercher secours et aide auprès de l'autorité qui est représentée par les tribunaux religieux. وَالْأَمْنِ, ainsi qu'auprès de la sûreté, hein, les officiers de la sûreté. حَتَّى يُخَلِّصُوهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا الرَّافِضَةِ. Pour qu'il puisse la sauver des mains, hein, de sa famille qui sont eux des rawafid. Wa min thamma tatazawwaj rajulan sunniyan. Et là, elle pourra se marier avec un homme dans la sunna. Wa amma an tabqa rafidiyya bayna ahliha fala. Mais que cette femme, après avoir tout vu cela et reconnu cela, et elle reste quand même auprès de sa famille dans le rafd, alors là non. La question numéro 4. السؤال الرابع. هذه مجموعة من الأسئلة تسأل عن نكاح المسيار وحكمه في الشرع. Il y a plusieurs questions, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont posé la même question, d'accord? Plusieurs questions qui concernent le sujet de al-misyar. Le mariage qu'on appelle al-misyar, et quel est son jugement dans la religion. En quelques mots, ce qu'on appelle al-misyar, c'est quelque chose que le cheikh en parlera, qu'on a connu que c'est dans notre époque. Ça s'est propagé ces derniers temps. Et dans certains pays arabes, peut-être, il y a peut-être 20 ou 30 ans que c'est connu chez les gens. Ce sont des hommes qui se marient avec des femmes, mais avec des arrangements. Avec des arrangements. Il se met avec une femme qui subsiste à elle-même. C'est-à-dire qu'elle a son autosuffisance, elle n'a pas besoin. Elle a son chez elle, elle a son entrée d'argent, elle n'a pas besoin. Mais bon, elle voudrait bien avoir un mari. Et l'homme, pour X raisons, ne peut pas la prendre à sa charge. Ou ne veut pas la prendre à sa charge. Donc, ils vont faire un mariage. Les conditions du mariage, elles sont là. Ce qu'il faut pour le mariage, c'est là. Seulement, en plus, il y a cet arrangement-là. Et lui, il ne viendra que de temps à autre voir cette femme quand ils ont besoin d'avoir des rapports. Donc, il va venir dans la journée ou dans la nuit, vite fait la voir, et puis après, il repart. Et ça, c'est un fléau qui s'est propagé ces dernières années, on va dire depuis peut-être 2010 jusqu'à maintenant, à peu près, de ce que je sais. On a entendu parler de ce fléau qui s'est propagé à cause de certains prêcheurs qu'Allah les guide, qui fouinent dans les livres ou dans les audios, je ne sais où, ne font pas le tri qu'il faut, n'enseignent pas à la communauté ce dont elle a besoin, et il donne tout aux gens, que ce soit correct ou incorrect, quand bon leur semble. Wal'iyadhu billah. Et ça a fait des dégâts. Jusqu'à qu'on a entendu des hommes qui se sont mariés de cette manière dans toutes les villes de la France. Et il n'y a pas une ville où ils n'ont pas laissé une femme. Subhanallah. Un problème. On a entendu des histoires, un homme qui marie dans telle ville, le même homme, dans telle ville. Et je ne sais comment ça se fait que des femmes, elles tombent dans le piège. Parce qu'elles ne sont pas aussi innocentes que ça. Il y a des femmes aussi, elles ne font pas les efforts pour être préservées. Et voilà une des sagesses. Pourquoi la femme, ce n'est pas, même si elle a son mot à dire pour son mariage. Elle dit si elle veut tel mari ou elle ne le veut pas. Mais ce n'est pas elle qui contracte le mariage. C'est son tuteur. Mais ici, on vit avec des femmes. Soit les pauvres, elles sont dans une situation, elles n'ont pas de tuteur. Mais le danger, c'est quoi? C'est que c'est des proies pour des hommes mal intentionnés. C'est ça le problème. Elles n'ont personne pour les défendre. Subhanallah. Mais avec ça, elles se lancent et elles tombent dans le piège. Subhanallah. Et elles recommencent et elles retombent dans le piège. Certaines, elles prennent leçon. D'autres, elles ne prennent pas de leçon. Le pire, c'est quand les gens y prennent goût. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est grave. Il faut faire attention à ces choses-là. Les hommes doivent faire attention à ce qu'ils font et les femmes, elles doivent faire attention. Et c'est pour cela que les femmes, qu'ils ont une famille, qu'ils ont des hommes, ils ont les parents, les oncles, les frères, alhamdoulilah, vous êtes préservés. Il y en a, ils veulent quitter tout ça pour avoir soi-disant leur liberté. Non, mais je ne peux pas bien pratiquer ma religion. Elles trouveront toujours une réponse pour pouvoir se sauver. Comme ça, c'est elle-même, elle fait comme un homme. Et combien de sœurs, dans le comportement, elles se comportent comme un homme se comporte. Et ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Subhanallah. Il y a une sagesse dedans. Vous croyez qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes filles, dans quelle situation elles vivaient? Vous croyez quoi? Il y avait des femmes qui vivaient dans des difficultés. Elles étaient comme des prisonnières chez leurs parents. Des parents qui les privaient même de mariage. Des parents même qui les forçaient à être des prostituées pour gagner de l'argent. Et avec ça, jamais aucun prophète n'a appelé les jeunes filles à se rebeller contre leurs parents. Il n'y a jamais. Il peut y avoir des cas bien précis, mais sinon d'une généralité, non. On n'a jamais appelé les femmes à se soulever contre leur famille. Subhanallah. Parce qu'en règle générale, et c'est la généralité qui prime, les parents, même si parfois ils peuvent agir mal, mais ce sont ceux qui veulent le plus le bien pour leur progéniture. Et c'est ceux qui pensent au bonheur de leurs enfants, même s'ils s'y prennent parfois mal. Mais ils sont là pour protéger leurs enfants. Et la femme, elle doit penser à cela. Et la femme qui dit, ouais, mais par exemple, moi, je suis une convertie. Ou l'autre qui dit, je suis dans une famille qui ne sont pas pratiquants, ou qui pratiquent à leur manière. Plein de raisons. Et je ne peux pas porter mon jilbab. Déjà, premièrement, si tu es dans ta maison, le jilbab, la question ne se pose pas. Tu es avec tes parents, tes frères, tes sœurs, en général. Hein, il n'y a que des gens envers qui tu peux ne pas être voilé devant eux. Il est où le problème? Non, c'est parce qu'on vit une époque où cette femme-là, ça se trouve, elle se met même en jilbab devant ses parents ou devant ses frères. L'ignorance, qu'est-ce qu'elle fait? Et aussi, on vit une époque où les femmes, elles aiment sortir. Pour toute raison. Ça, je ne comprends pas. 1h du matin, des fois le tarawih, il se termine à 1h. Quand le ramadan, c'est en été, 1h30, on roule en voiture. On est des hommes. Et pas, même nous, des fois, on a peur, dans la nuit, de se retrouver je ne sais où. Et tu vois une femme en jilbab marcher, comme ça. Tout le monde a dû déjà croiser cette scène-là, subhanallah. Comme ça, avec aucune peur. C'est pas normal. Et elle croit bien faire. Non. Non. La mosquée du prophète, sallam, qui est meilleure que toutes les mosquées, à part celle de la mosquée sacrée. Et avec ça, le prophète, sallam, dit à la femme, prier dans sa demeure est meilleur que de prier dans sa mosquée. Que dire lorsque la situation, elle est difficile? Que dire lorsqu'il y a des craintes? Que dire? Là, on est dans un quartier précis où il y a la mosquée. Il n'y a que quelques pas à faire pour venir à la mosquée. Là, non, ils prennent le métro, ils prennent les bus, et ainsi de suite. Et depuis maintenant, ils ont gardé le permis. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent encore aller plus loin avec leur voiture. On va prendre des cours, toutes les femmes. On va prendre des cours. Tu peux apprendre ta religion, mais tu es sûr que c'est apprendre ta religion que tu cherches? Puisqu'aujourd'hui, on vit une époque, tu peux rester chez toi, dans ton foyer, tu allumes une radio, internet, le téléphone, il y a des applications, et tu peux écouter des cours en direct. Et même des cours qui sont déjà enregistrés. Si c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées. Subhanallah. Non? c'est le fait de sortir. Il faut faire attention. Bien que les gens peuvent être bien intentionnés, d'autres ne le sont pas. Mais ceux qui sont bien intentionnés, ils doivent faire attention et ne pas se mettre dans des situations qui sont difficiles et dangereuses. Taïb, alors, Taïb, le cheikh dit, Al-Jawab, la réponse. Ahfadhu maqulatan li cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah. Je retiens une parole du cheikh, le grand savant, l'imam Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui est mort en janvier 2001. Rahimahullah ta'ala, il a dit, وَأَنَا أَعُدُّهُ مِنْ شُيُوخِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. Cheikh Ubaid dit, et je le considère parmi les cheikhs de l'islam de notre époque. كَمَا أَعُدُّ شَيْخَهُ وَوَالِدِ الْجَمِيعِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ الشَّيْخ عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بَازِ كَذَلِكَ أَعُدُّهُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. De même que son cheikh, le cheikh d'Ibn Uthaymin, car l'un des professeurs d'Ibn Uthaymin, c'est Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, et qui est notre père à tous, il dit, et qui est mort avant, je le considère, Cheikh Ibn Baz, comme le cheikh de l'islam de notre époque. Ittasaltu bihi hatifiyan. Donc le cheikh Ubaid, hafizullah, dit, j'ai contacté Cheikh Al-Uthaymin par téléphone. Wa sa'altuhu an hadhihi al-mas'ala. Et je l'ai questionné sur ce sujet, al-misyar. Faqala la ufti bihi. Je ne l'autorise pas. Puis le cheikh hafizahullah nous dit, Ubaid hafizahullah, wa idha nadharna fi zawaj al-misyar min ayna ishtaqa. Si maintenant on va regarder d'où vient ce terme, le mariage de al-misyar, le terme al-misyar, d'où il vient, d'où découle ce mot-là. Al-misyar indana ma'naha az-ziyara. Il a dit à la base, le terme misyar chez nous, en Arabie, c'est la visite. C'est le fait d'aller visiter quelqu'un. وَلِهَذَا يَقُولُ الْعَامَّ فُلَانْ يَسِرْ عَلَى فُلَانْ. Et c'est pour cela que les gens de la masse chez nous, ils disent, un tel, il va visiter un tel en employant le terme yassir. D'où vient le terme misyar. C'est la même racine. يَعْنِي يَسِيرُ إِلَيْهِ وَيَزُورُهُ. C'est-à-dire, il va à lui et il le visite. لِأَنَّ الْأَصْلِ الْمَشِي عَلَى الْأَقْدَامِ. Pourquoi ? Parce qu'à la base, les gens, ils visitaient, mais à pied. La marche à pied. وَهُوَ السَّيْرِ. Le fait de marcher à pied. D'y aller à pied. وَلِهَذَا إِذَا قِيلَ أَيْنَ فُلَانِ. Et c'est pour cela, lorsqu'il est dit, où est un tel ? قَالُ هُوَ الْيَوْمِ مُسَيَّرِ. يعني سائر الى اناس يزورهم هذا اصل الاشتقاق. Ils disent il est musayyar, c'est-à-dire il est en train de partir à pied pour visiter des gens. Ça c'est la base d'où vient ce terme-là, d'où il est tiré ce terme-là. Vous avez vu d'où ça vient ce mot-là? C'est parce que cet homme-là qui fait ce mariage-là, c'est comme celui qui va visiter quelqu'un. Subhanallah. Il y va pour un laps de temps. Il va visiter quelqu'un. وَأَمَّا الْمُصْطَلَحِ. Mais le sens technique de ce terme, الَّذِي هُوَ حَادِثِ, et qui est récent. Ce n'est pas un terme qui était connu auparavant. هُوَ حَادِثِ فَإِنَّ الْمُرَادِ مِنْهُ. Ce qui est voulu par ce terme, أَنَّ الرَّجُلْ يَزُورُ هَذِهِ الزَّوْجَ مَتَشَاء. C'est que cet homme, il va visiter cette femme lorsqu'il en a envie, lorsqu'il le désire. يَعْنِي لَيْسَ لَهَا لَيْلَةٌ وَلَيْسَ لَهَا قَسَمٌ. C'est-à-dire que cette femme, elle n'a pas une nuit qui lui est propre, comme un homme qui est marié avec plusieurs femmes, chacune a une période précise qui lui incombe, qui est son droit. D'accord ? Elle n'a pas un partage. وَإِنَّمَا يَزُورُهَا مَتَشَاء. Mais il la visite lorsqu'il en a envie. فَهُوَ لَيْسَ مَسْئُولًا عَنْ نَفَقَتِهَا وَلَا كِسْوَتِهَا. Et lui donc, il n'est pas responsable ni des dépenses pour cette femme, ni de l'habillement de cette femme. Il n'a rien à voir. Ce n'est pas lui, c'est elle-même qui se débrouille. وَلَيْسَ مَسْئُولًا عَنْ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهَا. Et d'abord, il n'est responsable d'aucune de ces situations de cette femme. وَإِنَّمَا الْعِصْمَةَ فَابِتَةٌ فَقَتْ لَهُ عَلَيْهَا. Seulement, il a cette responsabilité d'être son mari, sans plus. Il n'y a plus rien derrière. وَلِهَذَا. Et quelle est son épouse? وَلِهَذَا فَإِنَّهُ قَدْ يَتْرُكُهَا أَشْهُرًا وَقَدْ يَتْرُكُهَا سِنِينَ مَتَى مَا لَذَّ وَطَابَ عَلَى خَاطِرِهِ زَارَهَا وَإِنَّ تَرَكَهَا. Il arrive même qu'il la délaisse, qu'il ne la voit pas pendant des mois, même pendant des années. Et lorsque l'idée lui vient, il a un désir de la voir, à ce moment-là, il va aller la voir. Sinon, il la délaisse. وَقَدْ يَأْخُذُهَا مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا ثُمَّ يَقْضِي وَتَرَهَا مِنْهَا وَيُعِيدُهَا. Et si cette femme, elle habite chez ses parents, il va aller la chercher chez ses parents, l'emmener avec lui pour avoir son plaisir, et puis après la redéposer chez ses parents. قَدْ يَكُونُ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ أَوْ أَيَّامٍ. Il peut faire ça dans la même journée. Il l'a sorti de la maison, il l'a ramené à la maison. Ou alors, pendant une période de plusieurs jours. فَهَذَا الْعُرْفُ يَمُجُّهُ. Ça, rien que la coutume, les mœurs, les us et mœurs des gens le rejettent. Quand vous entendez ça, c'est inacceptable. Dans notre fort intérieur, on ne le veut pour aucune de nos filles. Quelqu'un le veut pour sa fille? Personne ne le veut pour sa fille. Subhanallah. Et ça, c'est important aussi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à qu'il aime pour son prochain, pour son frère, ce qu'il aime pour sa propre personne. Mais les gens oublient, subhanallah, oublient cette femme-là, subhanallah. Elle a un père, elle a un frère, elle a. Comment tu peux faire ce que tu veux avec elle, profiter d'elle, ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à la femme de ta famille, à ta fille, ou à ta nièce, ou autre. Donc le cheikh dit, فَهَذَا الْعُرْفُ يَمُجُّهُ هَذَا مِنْ وَجْهِ. Ça c'est, donc d'un point de vue déjà, la coutume et les mœurs des gens ne l'acceptent pas. وَمِنْ وَجْهٍ آخَرْ لَيْسَتْ فِي نِكَاحِ الْمِسْيَارِ أَوْ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ نَفْسُ الْمَصَالِحِ وَالْحِكَمْ أَلَّتِي جَعَلَهَا اللَّهِ فِي النِّكَاحِ الْمُعْتَادِ. Et d'un autre point de vue aussi, ça c'est d'un côté, d'un autre côté qu'est-ce qu'il y a? C'est que dans le mariage de l'missiar, on ne retrouve pas les objectifs, les sagesses et les intérêts qu'Allah a mis dans le mariage connu. Subhanallah. On en a parlé. Comment il fait un mariage? Les objectifs du mariage? Qu'est-ce qu'il recherchait dans un mariage? Subhanallah. Et bien, dans cette forme, cette façon de se marier, on ne le retrouve pas. فهو في الحقيقة أمر محدث. En réalité, ça c'est une chose qui est toute nouvelle, inventée. وننهى المسلمين والمسلمات عنه. Et on interdit aux musulmans et aux musulmanes de le faire. لكنه إذا حدث فلا نقول إنه باطل. Mais si quelqu'un l'a fait, on ne dit pas que le mariage en lui-même est caduque et qu'il est nul, puisque les conditions elles sont. Elles sont là, les conditions. Il y avait le tuteur, et ça, c'est quand les conditions elles sont là. Que dire quand quelqu'un fait le missiar et les conditions ne sont pas réunies? Alors là, le problème, c'est problème sur problème. Problème sur problème. فَنُوصِي مَنْ حَدَثَ لَهُمْ زَوَاجِ الْمِسْيَارِ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ نِسَائِهِمْ وَأَنْ يُعْطِيَهَا حَقَّهَا كَالْأُخْرَى إن كانت عنده زوجة غيرها وإن لم تكن عنده زوجة غيرها فليضمها إليه. Et donc nous conseillons, nous recommandons à celui qui agit ainsi, qui a fait le zawaj misyar, de reconsidérer cette épouse comme les autres épouses et qui lui donne son droit comme les autres, le même droit qu'il donne aux autres. Des gens, ils disent, on a le droit, l'islam nous permet de faire la polygamie. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais il faut ouvrir les yeux. C'est très difficile. Les conditions dans lesquelles on vit ne sont pas faciles. Et la personne s'éloigne de tout ce qui peut lui ramener un mal. Et si vraiment une personne veut, qu'il aille dans un lieu dans lequel il n'aura pas de difficulté à le faire. C'est le conseil qu'on donne à la personne. Que dire lorsque les situations de polygamie qu'on entend ici et là, beaucoup, c'est que des catastrophes. Que des catastrophes. Pourquoi ? Parce que la personne, elle va le faire et après elle dit quoi ? Mais je ne peux pas lui donner les mêmes droits que je donne à la première. Parce que le premier mariage, il va le dire à tout le monde. Il va faire une grande walima. La seconde, personne n'est au courant. C'est vraiment à huis clos et encore le strict minimum. Combien il faut de témoins ? Deux. Allez, on n'en ramène que deux. Si on l'avait dit qu'un, il n'aurait amené qu'un. Subhanallah. Le strict minimum. Vraiment, et voilà. Ni vu, ni connu, comme on dit. Et voilà. Puisque tu dis j'ai le droit, bah, va jusqu'au bout. Fais les choses convenablement. Pourquoi tu te maries d'une manière avec elle que tu t'es pas mal avec celle-là ? Pourquoi celle-là, tu as fait tout ouvertement, tu as été heureux de le dire à tout le monde, et pour celle-là, tu ne le dis pas. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a enseigné cela. Tous les mariages étaient faits de la même manière. La première, la deuxième, et ainsi de suite. Chacune, elle a les mêmes droits. D'accord ? Puis celle-là, elle est inscrite nulle part. Pourquoi ? Parce que la première, ouais, mais ici, tu as vu, on ne peut pas. On peut inscrire que la première. On ne peut pas inscrire la deuxième. Taïb. Donc voilà. Donc tous les droits qu'elle a la première, l'autre elle ne l'aura pas. Il se met dans un pétrin, il se met dans des problèmes, dans des galères. Et celui qui n'arrive plus à tenir parce qu'il est face à la réalité, il est face aux soucis, aux problèmes, il pense qu'il, à ce moment-là, il dit, je n'avais pas calculé les choses comme ça, je ne voyais pas comme ça, maintenant je vois mieux, mais après quoi ? Après tous les dégâts qu'il a fait. Et cette femme-là, ça se trouve, elle a quitté sa famille, elle s'est mise à dos sa famille pour pouvoir faire. Maintenant, elle se met à dos ce mari-là, elle n'a plus personne, elle est dans la rue. Et elle cherche un foyer, elle cherche je ne sais quoi. Il y en a qui quittent la religion. Il y en a que des histoires. Wallahi, Allahul Musta'an. Que des histoires. Pourquoi ? Parce que dès le début, les choses n'ont pas été faites convenablement. Dès le début, les choses n'ont pas été faites convenablement. Ce n'est pas des sujets à prendre à la légère. Le mariage en lui-même n'est pas un sujet à prendre à la légère. C'est pour cela que c'est des dégâts. Les gens ne pensent pas que c'est une responsabilité. Tu es capable, tu as les épaules pour, comme on dit. Va jusqu'au bout de ce que tu fais, mais fais-le convenablement, correctement. Subhanallah. Et ça, c'est grave. En France, c'est très difficile. C'est très difficile. Et la personne, elle aura du mal. Hein, à, c'est très difficile. Mais que dire ? Mais wallahi, Allahu musta'an. Ils sont mariés religieusement. Mais ils font comprendre à la administration qui ne sont pas mariés. Pourquoi ? Pour gagner un vil prix de ce bas monde. Ça, c'est lui qui n'a qu'une femme. Subhanallah. Donc elle va demander femme isolée, lui va demander, mais si jamais on se dit qu'on est marié, il y aura ça, il y aura ça. A'oudhu billah, a'oudhu billah. Les koufars ne comprennent plus rien. Ils disent, mais ces gens-là, c'est interdit la fornication chez eux. Comment une femme, elle vient, elle enfante, et puis dans les papiers, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, ils ne comprennent pas. Un homme, il arrive. D'apparence musulmane en plus. Et il dit, je reconnais l'enfant. Dans quelle situation ils se mettent les gens ? Subhanallah. Ah, mais même chez eux, donc ils ont le droit de faire ces choses-là. Mais vous imaginez même pas toutes les discussions que ça ramène, ces choses-là. Il faut faire attention. On représente une religion, on doit être des ambassadeurs comme il le faut, à la hauteur. Subhanallah. Que les gens après ne nous aiment pas, ce n'est pas le problème. Si Allah nous aime, ça nous suffit. Subhanahu wa ta'ala. Mais de là être la cause de cette animosité et de pousser, de donner le bâton, comme on dit, pour se faire frapper avec, non. Subhanallah. Il faut être qu'on est des gens droits, corrects. Tu remplis des documents, tu signes le document. C'est-à-dire que tu reconnais que tout le contenu est véritable, alors que c'est que du mensonge. A'udhu billah. Pour gagner un vil prix de ce bas monde. Après, il va se trouver des excuses. Non, mais j'ai trouvé une fatwa, elle me dit. Non, ne joue pas avec la religion. Comme l'imam Malik Rahmallah disait, si tu veux jouer, ne joue pas avec la religion. Joue avec autre chose, pas avec la religion. La religion, c'est du sérieux. Subhanallah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Taïb. Et si c'est la seule épouse qu'il a, cette femme avec qui il s'est marié en Mishiyah, c'est la seule qu'il a, alors il se doit de se réunir avec elle et de former véritablement un foyer. Al-Su'al al-Khams, la cinquième question. Il est où le frère? On a encore le temps? Hein? D'ailleurs. Hal yajouzou لمن يبتعث إلى خارج بلاده أن يتزوج بنية الطلاق. Donc, en Arabie, dans d'autres pays musulmans, les jeunes, quand ils sont étudiants, ils sont amenés, ils ont leur bac, ils sont amenés à être envoyés à l'étranger pour étudier, dans les facultés, les universités, que ce soit dans d'autres pays musulmans, ou en Europe, ou en Amérique, et ainsi de suite. Donc, ces jeunes-là, il y avait le problème du mariage. Pendant ces années-là d'études, comment ils font? Et il y en a qui, ils ont posé cette question-là qui concerne de se marier avec l'intention de divorcer. Donc ceux qui sont envoyés à l'étranger pour étudier, à l'extérieur de son pays, sur de se marier avec l'intention de divorcer. C'est-à-dire personne n'est au courant si ce n'est lui. D'accord? Personne n'est au courant. Lui, il vient, il se marie. Les gens, pour eux, c'est un mariage correct. Toutes les conditions, elles sont là. Mais lui, au fond de lui, il n'a pas l'intention de rester avec elle. C'est seulement pour ne pas tomber dans l'interdit. Donc, il va être avec elle. Et le jour J, il divorcera et puis il partira. Et c'était son intention depuis le début. C'est ça qu'on appelle « Az-zawaj biniyati at-talaq ». Ça, c'est pour que vous compreniez bien. « Al-jawab », la réponse. « Al-muttafaq alayhi bayn al-muslimin » فيما وقفنا عليه النهي عن النكاح الى اجل باتفاق الطرفين. Ce qui fait un consensus entre les musulmans, entre les savants de l'islam, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait, c'est la réponse du cheikh Ubayd hafizahullah ta'ala, c'est qu'il y a l'interdiction du mariage pour jusqu'à un délai bien précis dans lequel il y a un accord entre les deux parties. Entre les deux parties. Le parti de l'homme et le parti de la femme. C'est-à-dire qu'ils vont se marier, mais pour une période. On se marie pour 3 ans, on se marie pour 5 ans, on se marie pour 2 mois. Ça, tous les imams, les savants de l'islam sont unanimes que c'est interdit. فَإِذَا اتَّفَقَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَ عَلَى أَنَّ النِّكَاحْ مُؤَقَّتْ سَنَةً أو سنتين أو ثلاثا أو أشهرا أو أياما فهذا من نكاح المتعة الذي عليه الرافضة إلى اليوم مخالفين إجماع المسلمين بل مخالفين النص والإجماع. Donc ceux qui veulent se marier, qui font ce mariage qu'on appelle le mariage temporaire. Ça, c'est un mariage temporaire. Lorsqu'il y a un délai, une date fixée, limite du mariage, à laquelle il s'arrête le mariage, ça, c'est ce qu'on appelle le mariage temporaire. Et on l'appelle en arabe « zawaj al-muta'a ». Donc, pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans, pour quelques mois, pour quelques jours, ça, c'est ce qu'on appelle le mariage al-muta'a, qui est connu chez les rawafid. Les rafida, il est connu chez eux, et eux, c'est institué chez eux. Et en agissant ainsi, ils s'opposent et contredisent le consensus des musulmans. Et ils vont même s'opposer et contredire les textes religieux ainsi que le consensus. وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فِي السُّؤَالِ وَهُوَ نِكَاحٌ مُؤَقَّتْ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ لَا مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ. Mais celui-là, avec l'intention de divorcer, il n'y a pas de délai précis dans lequel les deux parties sont en accord. C'est quelque chose qui est dans le fort intérieur de l'homme et que la famille en face n'est pas au courant. La femme, elle ne le sait pas. Elle n'est pas au courant de cela. فَالْجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِهِ. Beaucoup de savants, la majorité disent que ce mariage-là, il est permis puisqu'il y a toutes les conditions. وغيرهم على تحريمه. Et d'autres savants, eux, ont dit que c'est interdit. وقبل أن أرجح في المسألة ما أرجح أذكر أمورا. Et après de vous donner l'avis qui est prépondérant chez moi, c'est Cheikh Ubaid Hafidhahullah qui répond, avant de vous donner la réponse et l'opinion que je considère véritable là-dessus, je préfère vous citer certains points. أولاً, premièrement, أليس هذا النكاح بهذه النية من الرجل سببا لتضييعها وتضييع من خلف منها من أولاد؟ N'est-ce pas que ce mariage avec cette intention qu'a l'homme est une des raisons pour lesquelles hein, vont être délaissés? Il y aura une négligence de la part de l'homme face à cette femme ainsi que les enfants qui vont venir derrière. Et je ne pense pas que quelqu'un va dire non. Puisque lui, il n'a pas l'intention de rester. Il a l'intention de divorcer, de la quitter complètement. Donc il ne va pas se fatiguer avec elle. N'est-ce pas? وقد يتسبب الرجل في قطع النسل من جانبه هو أو يغر المرأة فيعطيها أشياء تمنع الحمل. Et il se peut même que l'homme, il va en arriver à faire quoi? Il va ordonner à la femme qu'elle ne tombe pas enceinte. Il va faire les causes pour que la femme ne tombe pas enceinte. Parce qu'il ne veut pas d'enfant, parce qu'il n'a pas l'intention de rester avec elle. Ou alors, il va lui donner des comprimés ou des choses pour qui vont empêcher qu'elle tombe enceinte. وَهَذِهِ بَلِيَّةٌ أُخْرَى. Et voilà un autre mal. فَإِنَّ مَنْعَ الْحَمْلِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِدَرُورَةٍ. Car de stopper, d'interdire la grossesse, que la femme tombe enceinte, ceci est interdit, sauf s'il y a une nécessité, une raison valable. Thaniyan, deuxième point que le cheikh veut citer. Mal aslu fi nikah. Quelle est la base dans le mariage? À la base, qu'est-ce qui est voulu par le mariage? Ad-dawam ou at-tawqit. C'est de rester dans la durée. On se marie pour la vie ou alors on se marie pour un temps bien précis, temporaire. Et vous avez vu hier quand on a fait le cours, à un moment donné, je vous ai dit, retenez bien ces points-là que le cheikh a parlé lorsqu'on a parlé des objectifs et des sagesses et ce qui est voulu par le mariage. Al-aslu fihi ad-dawam. À la base, les gens lorsqu'ils se marient, c'est pour rester ensemble. C'est pour rester ensemble. C'est ça leur intention de base. هذا الأصل أن يدوم. Donc à la base, c'est que ça perdure. إلا إذا حصل أمر من جانب الرجل أو جانب المرأة يسوغ الفراق. Sauf si entre-temps, donc à la base, ils se sont mariés pour durer. Mais durant ce mariage, soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, il s'est passé une chose qui permet, excuse la séparation. Qui légitime la séparation. فَحِينَ إِذِنْ يَكُونُ هَذَا أَمْرًا طَارِئًا. Donc là, c'est un point qui vient d'arriver, qui n'était pas prévu auparavant. وَلَكِنَ الْأَصْلَ الْبَقَاءَ. Mais à la base, c'est la durée. Que le mariage perdure. الْأَصْلَ الدَّيْمُومَةُ فِي النِّكَاحِ. À la base, le mariage, c'est pour la continuité, pour perdurer. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ سُئِلَتْ. Et c'est pour cela que si la femme est questionnée, on lui demande أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ. Lequel des deux hommes tu préfères? رَجُلٌ يَتَزَوَّجُكِ فَتْرَةً ثُمَّ يُطَلِّقُكِ وَهُوَ فِيهِ وَفِيهِ مِنَ الْجَمَالِ وَلَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَهُ وَلَهُ كَذَا وَرَجُلٌ يُرِيدُكِ لِلْبَقَاءِ مَعَهُ. Un homme qui se marie avec toi pour une période, pour une durée, puis il te divorce. Et lui, cet homme-là, il est beau, il est riche et il a plein de qualités. Ou alors, un homme qui veut rester avec toi dans ce mariage. فَمَا ظَنُّكُمْ. Que pensez-vous? هَلْ تَخْتَرَ الْأَوَّلْ أَوِ الثَّانِي. va-t-elle choisir ? Le premier ou le deuxième ? Tartaru thani. Elle va vouloir le deuxième. Elle va vouloir le deuxième. لأن المرأة الحاذقة العاقلة الوادعة الفطنة لا تحب أن تكون كل مرة تحت رجل أبدا. Car une femme raisonnable, une femme correcte, une bonne femme qui a de bonnes réflexions, qui réfléchit convenablement, elle ne voudrait pas, elle n'aimerait pas, à chaque fois, elle passe d'un homme à un homme, elle est avec un homme pour une période et un homme pour une période. تحب أن تبقى مع رجل على ما فيه من تقصير حتى يحكم الله. Mais plutôt, elle préfère et elle voudrait être avec un homme, même s'il y a des manquements chez cet homme, même s'il y a des choses qui ne vont pas chez cet homme, mais qui restent ensemble jusqu'à qu'Allah en décide. سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النساء الحاذقات العاقلات ينفرن من رجل طبعه الطلاق على الدوام. Et c'est pour cela que les femmes raisonnables, les femmes correctes, elles fuient l'homme qui est connu pour beaucoup divorcer. Un homme qui a cette réputation d'être quelqu'un qui divorce. ينفرن منه. Elles le fuient. يقولون هذا يتذوق. Qu'est-ce qu'elles disent de lui ? Ça, c'est un homme qui cherche qu'à goûter aux femmes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit, a dit, sont maudits. Les hommes qui se marient pour seulement goûter. Et les femmes qui se marient pour cela aussi. Il se marie, il la délaisse. Il se marie, il la délaisse pour goûter aux femmes. Et une femme qui se marie aussi pour goûter aux hommes. Elle se marie pour une quelconque raison, elle veut le divorce, la séparation. Puis elle se remarie, elle veut la séparation. Puis elle se marie. Voilà. Et la raison, en vérité, c'est quoi ? C'est qu'elle cherche seulement à goûter d'autres personnes. Et ça, le professeur m'a dit, sont maudits ces gens qui agissent ainsi. Donc, ces femmes-là, hein, elles vont dire quoi de cet homme-là ? Ça, c'est quelqu'un qui cherche à goûter aux femmes. Qui cherche à goûter aux femmes. Mais li hajatun fi, je n'ai nullement besoin de cet homme-là. Al-amru thalith, le troisième point, يعلم مما تقدم أن هذا غش. Hein, on voit, on comprend de tout ce qu'on a vu précédemment que là, il y a de la tromperie. L'homme triche en agissant ainsi. Et il trompe les gens en venant avec cette intention. يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمْ أَنَّ هَذَا رِشٌ لِلْمَرْأَةِ وَالْرِشُ مُحَرَّمْ. Donc c'est une tromperie. Il trompe, il trahit, hein, cette femme et cette tromperie, elle est, et cette tricherie, elle est interdite en islam. Et le prophète sallam a dit, laysa minna man rasha laysa minna. Celui qui triche, qui trompe, ne fait pas partie de nous. Wa bihadha ta'lamun anni urajjih tahrim hadha an-nikah. Et de là, vous savez et vous allez comprendre que l'opinion qui est la plus sûre pour moi et que je prends et qui est la plus prépondérante, c'est l'interdiction de ce mariage. Et pour information, الشيخ العثيمين عليه رحمة الله اللي dans ses fatwa, il a été questionné dessus et il répond et il dit ça c'est de la tromperie, de la tricherie, c'est interdit. Comment dans le commerce il est interdit de tromper l'acheteur, subhanallah, c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et vous allez tricher avec des gens dans le domaine du mariage qui est bien plus important, subhanallah. Et j'ai posé cette question là à Cheikh Rabi' Hafizahullah, en 1996, lors de mon premier pèlerinage, je l'avais questionné, il habitait encore à Médine à l'époque, Hafizahullah ta'ala, et il a dit ça, c'est interdit et c'est une tricherie. Et il était connu à l'époque, dans les années 90, les gens se servaient d'une fatwa de Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, comme quoi qu'il disait qu'au final c'était autorisé. Mais dans cette assemblée-là, en présence de Cheikh Rabir, un frère qui était présent, parce que j'ai cité le nom de Cheikh Ibn Baz, il a dit que Cheikh Ibn Baz, alayhi rahmatullah, est revenu sur cette fatwa, et Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, interdit cette façon de se marier. Ça, c'est connu comme fatwa de Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir da'wana, anilhamdulillahi, rabbil alamin. المعذرة سمحونا